Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité. C'est François Payotte qui est heureux de vous accueillir au nom du Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je dois vous rappeler tout d'abord que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi à 20h, vendredi prochain, et aura pour titre Le retour du Christ. Qu'à l'achat de votre billet aujourd'hui pour cette prochaine conférence, vous pouvez avoir la première partie de la présente conférence gratuitement enregistrée sur cassette. Rappelle également qu'il ne reste plus de place pour le séminaire sur l'organisation pour le succès donné par Daniel pour les dates suivantes, le 11, 12 et 13 mai. Il n'y a plus de place. Il reste encore quelques places pour celui du 25 mai. Donc les personnes intéressées à occuper les dernières places, vous êtes priées de voir Mario au comptoir à cassette pour vous inscrire éventuellement. Je vous rappelle que la conférence se déroule en deux temps, trois mouvements. Une première partie d'1 heure, suivie d'une pause d'une demi-heure. Et dans la deuxième partie, vous êtes invité à poser vos questions par écrit, à l'aide des petites feuilles et des crayons qui se trouvent dans la salle d'accueil, et de nous faire parvenir les questions ici même en avant. Je me ferai un plaisir donc d'être votre porte-parole pour cette deuxième partie d'1 heure. Alors, je pense qu'il est inutile encore de vous présenter Daniel Kemp. On l'a fait déjà 104 fois ou 105 fois depuis qu'il est en conférence ici. Vous l'entendez régulièrement les mercredis soirs, je vous le rappelle, de 11h jusqu'à 3h du matin à l'émission de Roger Drolet, Sommeil interdit. Daniel Kemp a donc enregistré plus d'une centaine de conférences. Vous pouvez vous procurer une liste de cassettes de tous ces sujets également au kiosque à cassettes. Alors, il me reste à accueillir maintenant Monsieur Daniel Kemp. Alors, Daniel, tout à l'heure, avant qu'on commence, on était toute une table là et on parlait des grands mouvements dans le monde, les mouvements contemporains, qui sont partis d'un élan généreux et qui ont voulu changer le monde ou changer les conditions de la société. Et on faisait allusion au mouvement des années 60, des hippies, mouvement qui par la bonté avait essayé de changer les conditions, les structures de la société, et mouvement qui avait avorté, ainsi même que le mouvement qui a suivi par la suite dans les années 68, qui était un peu plus révolutionnaire, un peu plus axé sur le changement par la force, et qui a été également récupéré par les structures en place. Et on en venait à la conclusion que c'était peut-être là où ils avaient avorté leur mouvement, c'était peut-être dans un manque d'efficacité à même l'organisation. Ces mouvements-là n'étaient pas structurés, il n'y avait pas d'organisation. Alors la personne avec qui je parlais me disait, mais vous autres ici, est-ce que vous avez l'intention de changer la société et est-ce que vous êtes structuré pour le faire? Alors c'est cette question-là que je vais te poser pour commencer. En parlant du centre d'universalité. Normalement, les questions du centre, faut voir Mario. Et en ce qui concerne peut-être ton travail ou ton action au centre d'universalité. Bon, premièrement, on pourrait parler de ces hippies, des mouvements qui ont suivi, des mouvements qui ont précédé. Et de prime abord, on peut prendre note ou on peut constater que l'être humain est désorganisé. Mais non pas seulement comme résultat, mais aussi comme action. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, il est désorganisé par quelqu'un. Alors, je ne veux pas simplement dire que l'être humain est désorganisé, ça, c'est l'effet. Mais la cause, c'est qu'il est désorganisé. C'est pourquoi il est désorganisé dans l'effet. Tu vois la nuance? L'être humain. Il y a quelque chose qui empêche l'être humain d'être organisé. Et il y a quelque chose qui rend intelligent le fait qu'on empêche l'humain de s'organiser. Le mouvement hippie, même s'il aurait été organisé, c'est-à-dire que le mouvement hippie, s'il aurait été totalement organisé, aurait réussi. Mais vu qu'il n'avait pas à réussir, il a été désorganisé. Et ce mécanisme est visible et constatable dans l'échelle de l'évolution humaine, dans n'importe quel temps, un peu partout sur la planète, où on peut constater que l'être humain vit un élan, vit une évolution au niveau sociétaire, au niveau de groupement, au niveau moral, arrive à une apothéose et, suite à cela, se dirige lentement vers une décadence pour finir par retrouver, disons, la grandeur ou l'importance qu'il avait au début.